8h53 sur France Culture. Géraldine Mosnas, à voir votre carnet de philosophie, vous êtes de retour et logiquement, vous vous êtes interrogée sur le retour. Alors déjà, Guillaume, je suis très contente d'être de retour, voilà. Mais bon, faisons simple, ne cherchons pas midi à 14h à chaque rentrée. Disons septembre et janvier, chacun d'entre nous se questionne assez naturellement sur cet événement qui, quand même, n'en est pas vraiment un. Car comme chacun le sait, rentrée n'est pas entrée et on ne fait que revenir à ce que l'on connaissait déjà. Donc quand je dis chacun d'entre nous se questionne, je devrais peut-être plutôt dire chacun d'entre nous angoisse. Ce qui est certes déjà une forme de questionnement. Pourquoi revenir? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi demain? Pourquoi moi? Pourquoi? Soit une forme de questionnement panique face à la fatalité de ce qui est inéluctable, mais surtout de ce qui est toujours et invariablement la même chose. Je n'invente rien. Même Nietzsche en a fait un concept, l'éternel retour. Concept qui a l'avantage d'être quand même assez transparent dans son intitulé, Guillaume. Fait d'éternité et de retour. Oui, bien. À ceci près que Nietzsche n'avait peut-être pas en tête tous ces moments où on ne revient pas au bon moment, comme c'est mon cas aujourd'hui par exemple, mais surtout sans vraiment savoir ce qui nous attend. Bon, mais là, vous reconnaissez ce studio, les personnes autour de vous, vous savez quel jour on est et peut-être aussi pourquoi vous êtes là. Alors évidemment, Guillaume, un peu. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ce genre de retour qu'on expérimente notamment de retour de congé type maternité ou d'arrêt type maladie ou maintenant isolement, n'a rien d'un retour ou d'une reprise ou d'une répétition et encore moins d'éternité. On ne reprend jamais les choses telles qu'on les a laissées. Et pour une simple et bonne raison, eh bien en attendant, les autres, eux, vous donc, ont avancé. Les habitudes se sont sensiblement modifiées, les discussions ne sont plus tout à fait les mêmes, les relations ont légèrement mais sérieusement pris de nouvelles tournures. Bref, le monde a changé et vous n'y êtes pas. Vous êtes décalé. La seule chose que vous retrouvez, objectivement, c'est un lieu, oui, c'est vrai, avec des horaires, un décor, des personnages, ce qui est quand même loin de ressembler à l'éternel retour dont nous parlait Nietzsche. Homme, toute ta vie est un sablier que l'on tourne et que l'on retourne et son contenu s'écoulera un nombre infini de fois jusqu'à ce que le cours cyclique de l'univers ramène toutes les conditions dont tu es né. Et auquel Nietzsche ajoutait « Et tu retrouveras alors chacune de tes douleurs et chacune de tes joies ». Bien sûr, l'éternel retour est une hypothèse pour Nietzsche. Il s'agit pour lui de vivre chaque instant de sa vie en se disant qu'il est désirable, qu'on ne le changerait pour rien au monde et qu'on serait prêt à le revivre même s'il fait mal. Mais quand même, on en revient alors toujours au même point, si je puis dire. Le retour n'est donc jamais vraiment en retour. C'est une hypothèse. On ne revient jamais, on n'est jamais de retour. Et inversement, le retour ne nous retrouve jamais pareil. Et oui, et vous essayez de nous dire que tout change tout le temps, en fait. J'essaie surtout de vous dire, Guillaume, que le retour n'existe pas, sans parler de l'éternel retour, et que sa simple possibilité ne suffit pas à le rendre véritable et encore moins désirable. Pensez par exemple à cette mode dans les années 90 des films suites, ayant pour titre « Le retour », souvent des navets. En revanche, pensez aux films dont la suite est 2, Hot Shot 2, par exemple, pour les cinéphiles. Évidemment. Bah, presque toujours meilleur. D'accord. Reste, et c'est bien le problème, que si le retour n'existe pas, une forme de permanence perdure. Mais alors laquelle? Qu'est-ce qui reste pareil quand tout change? Est-on même sûr qu'il y ait quelque chose de parfaitement similaire? Je parlais de décor, de personnages. C'est vrai, on revient bien quelque part et sans savoir ce qui nous attend, ce qui a changé autour et en nous, on reconnaît bien des choses. Voilà, on reconnaît. On ne retrouve pas. On reconnaît comme si on avait tout oublié. N'est-ce pas mieux qu'un banal retour?